CIBU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Des studios de Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la période du 4 au 24 août 2014. C'est l'édition Franco et je m'appelle Mathieu Plante. Vous savez, tout l'été, on bascule d'un côté à l'autre. On fait Franco une semaine, Anglo l'autre semaine. Et on est dans les deux dernières semaines de la session. On va faire Franco cette semaine du 18 août. Et ensuite la semaine du 25 août, on fera la portion anglophone. Donc, du côté Franco, aujourd'hui, on va savoir d'ici la fin de l'émission, dans une heure environ, si Fanny Bloom est toujours, hors noyade avec sa pièce Piscine. Mais avant ça, on va débuter l'émission avec les nouvelles entrées. Il y en a trois. Plus tard, il y aura Ludovic Alary ainsi qu'Alexandre Désilet de retour avec une nouvelle pièce de l'album Fancy Ghetto, mais on débute en 20e place. Voici Propofol et un extrait de leur album Le Banquet. Elle s'appelle Commando. Au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM.

au palmarès, c'est fou. Maintenant, on saute par-dessus les 17 et 16 franco, c'est-à-dire en 17e, Clément Jacques est dans nos cœurs, et en 16e, Fontarabie avec Forcé ou Quitté. Les deux sont là depuis 8 semaines, 8 périodes de palmarès, ça veut dire un maudit bout. On va l'entendre un bloc composé des 15, 14 et 13. Plus tard, Les Passagers, deuxième semaine de présence, donc une nouvelle entrée de la précédente édition. Avant ça, Nicolet, et au début du bloc, Caravane. Ça descend à la 8e place, voici Minuit. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Oh, Retour, les passagers avec Acheter ta peau au palmarès C'est fou. CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Toujours par le reste, c'est fou pour la période du 4 au 24 août 2014. C'est l'édition Franco et je m'appelle Mathieu Plante. On continue avec notre bloc qu'on a commencé tantôt. On était rendu à la position numéro 13. C'était une nouvelle entrée de la semaine passée. On a fait des précédents palmarès. Vous savez comment c'est mêlant tout l'été de compter les semaines. 8 veut dire 16 probablement en nombre de semaines. Donc, les passagers avec Acheter ta peau. Ça commence juste là. Pas mal, c'est fou. Ça va être pas mal bon. Pas mal sûr que ça va être bon en tout cas. Pas mal sûr. Oh. C'est juste la deuxième fois là. On s'habitue. Se couvrir de cailles et de velours, puisque la peau nue ne suffit plus. Ouvrir nos chairs pour qu'on y voie dépassé ses premiers instants charnels. Quand nos pores expiraient encore un parfum de miel, je n'ai jamais eu besoin d'acheter ta peau pour pouvoir un jour me la mettre sur le dos. Nos désirs dépassent ses premiers instants charnels. Quand nos pores expiraient encore un parfum de miel. Passager, achetez ta peau. Position numéro 13, francophone. Ça monte de la 18e place. C'était le vol la semaine passée. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. On est en train d'écouter de la bonne musique, bien sûr. Le milieu de Palmarès, entre les nouvelles entrées en début d'heure et le top 3 en fin d'heure, dans une dizaine de minutes environ. Donc, on visite le milieu, un peu. Et on doit sauter par-dessus plein de choses. Donc, on saute Octoplot et Noir Foncé, stable en 12e. Marathon de Canaille, stable en 11e. Notre propre roulette russe de Calaricudon, stable en 10e. Holiday de Radio Radio, qui monte de 4 places. Toon de Chasse est en 8e franco avec de Pandaléon, le groupe Pandaléon. En 7e, c'est l'ancien numéro 2, t'aurais pas pu nous prendre à 2, de Philippe Braque. On va aller entendre un bloc des 6, 5 et 4 ensemble. Plus tard, La Féline, qui était nouvelle la semaine passée, Amour Blitz, qui était nouvelle l'autre semaine d'avant, mais on débute en 6e place. Ça monte de la 19e, c'était nouveau la semaine passée. Voici Chose Sauvage et L'Épave Trouée. Tout de suite, au Palmarès, c'est fou, sur le 89.1 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. t'attrape vivant. Ton corps, tu n'es pas retrouvé. Ton corps, tu n'es pas retrouvé. Parti sur l'océan, dans sur l'océan. Oublier la misère. C'était Adieu l'enfance par La Féline. Position numéro 4, francophone, ça monte de 16. C'était nouveau dans le précédent palmarès. On s'en a entendu Amor Blitz et Ma plus belle psychose qui descend d'une place en 5e franco. Et au début du bloc, c'était la 6e place, L'épave trouée de choses sauvages. On entre dans le top 3 déjà. Commençons avec Mordicus et Oh Maman. Notre palmarès, c'est fou. Bye. première position. Francophone. Avant ça, par contre, un petit résumé du top 3. En troisième, Mordicus et Oh Maman. En deuxième, Piscine, l'ancien numéro 1 de Fanny Bloom. Et on vient d'entendre la jeunesse féline de la bronze. Je pense que ça mérite pas mal la première place. C'est bon, en tutu. On se retrouve pour une autre édition des Palmarès C'est fou, une dernière fois pour la session, jeudi prochain entre 14h et 15h. Après nous, cet assemblage requis, restez là. On repasse le samedi entre midi et 16h. À midi, assemblage requis, 15h, les Palmarès C'est fou. Et lundi, 14h, assemblage requis, 17h, les Palmarès C'est fou. Cifou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On se quitte avec le numéro 1 anglophone de la semaine d'avant. Quand même pas le nouveau, ça va être la semaine prochaine, ça. Une chose à la fois, con que vous êtes vite en affaire. Donc, numéro 1 anglophone de la précédente édition, c'était Bad, Bad, Not Good avec Can't Leave the Night. On se quitte là-dessus. À la prochaine fois.